Bonjour à toutes et à tous pour la rentrée de Léviathan. Carolina, tu m'avais manqué, ça faisait longtemps depuis le dernier épisode. Désolée à tous pour cette longue absence, mais c'est vrai que les aléas de la vie nous ont tenus un peu éloignés de Léviathan ces derniers mois, mais on est ravis de revenir. Oui, tu m'avais également manqué et je suis comme toi contente d'être de retour. On le sait tous, cette année a été bizarre, elle a été compliquée, enfin bref, plein de choses, mais nous sommes contentes d'être de retour et aussi de vous présenter un nouveau format chez Léviathan. Donc dorénavant, nous ne traiterons plus qu'un grand dossier de façon plus interactive et ce grâce au fait que nous aurons plusieurs invités. Ça nous permettra d'aborder les sujets selon plusieurs points de vue et donc d'avoir aussi une vue plus compréhensive sur ces sujets. Donc chaque mois, on va vous proposer des focus sur des sujets soit défense, soit RI. Donc comme d'habitude, là, ça ne va pas changer. Mais pas forcément de ce qui est de l'actualité brûlante. On va traiter un dossier et en fait, on a déjà décidé de tout ce dont on allait parler cette année. Mais on ne va pas tout vous dire maintenant. Donc trêve de teasing, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez, une bonne année pour moi, c'est une année sous le signe du nucléaire. Donc, je vous entends déjà vous crisper de l'autre côté de vos écouteurs, mais promis, on ne va pas parler de nucléaire pendant toute l'année. C'est juste ce premier épisode. Et donc, on va parler aujourd'hui de ZEAN, c'est-à-dire les zones exemptes d'armes nucléaires. Bon, et évidemment, comme vous vous en doutez, une de nos guest stars est Océane, mais qui ne sera pas seule cette fois-ci. Elle est accompagnée de Lova, chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et moi, je suis accompagnée d'Aurore, doctorante en droit international humanitaire, qui est déjà venue dans notre émission plusieurs fois et qui m'aidera à poser les bonnes questions à nos deux spécialistes. Vous écoutez Léviathan, votre podcast dédié aux relations internationales et à la défense. Lançons-nous donc dans le sujet des ZEAN. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce terme, comme l'a dit Océane, c'est les zones exemptes d'armes nucléaires. Et actuellement, il y en a 5 qui couvrent des grandes zones géographiques qui sont l'Amérique du Sud et les Caraïbes, le Pacifique du Sud, l'Asie du Sud-Est, le continent africain et l'Asie centrale. Donc, Océane et Lova vont sûrement vous parler de certaines d'entre elles plus spécifiquement, mais ces zones ont été définies comme telles par des traités qui ont été mis en place de 1967 à 2006. Et ça s'est fait au fur et à mesure, et je vous ai aussi évoqué les zones dans l'ordre des traités. Donc, le tout premier traité a été celui de Tlatelolco, j'ai toujours du mal à le prononcer, qui a été signé en 1967 et qui est entré en vigueur 2 ans plus tard. Et il s'est fait à l'initiative du Brésil et du Mexique, qui voulaient que la zone de l'Amérique latine soit une zone exempte d'armes nucléaires. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont réussi à convaincre la plupart des autres États de l'Amérique du Sud à se joindre à eux, et ce, en 1963. Donc, il y a deux choses que j'aimerais noter par rapport à ce traité. C'est que ça faisait depuis les années 50 que d'autres pays, notamment Cuba, essayaient de mettre en place des initiatives similaires, mais elles ont toutes échoué. Et la deuxième, c'est que le Brésil a pris cette position après avoir soutenu un appel de la part de plusieurs États africains à créer dans leur continent une ZEAN autour de 1961. Mais une ZEAN en Afrique aura lieu qu'en 1996, avec le traité de Pelindaba, mais Lova vous en parlera plus à ce sujet. J'ai juste trouvé que c'était intéressant de mettre ça en avant. D'un point de vue plus juridique, comme les traités de création des ZEAN sont des actes juridiques, ils entraînent des obligations, c'est-à-dire des devoirs pour les États qui ont signé ces traités. Et là, en l'occurrence, le type d'obligation que vont entraîner ces traités de création des ZEAN, même s'il y a quelques petites spécificités en fonction des traités, en gros, ces obligations vont être le fait de ne pas posséder, de ne pas fabriquer, de ne pas acquérir ou utiliser d'armes nucléaires sur le territoire des États parties à ces traités. Donc ça veut dire que les États qui ratifient les traités de création de ces ZEAN s'excluent donc eux-mêmes de la course à l'armement nucléaire et de la stratégie de dissuasion nucléaire, mais par ce processus aussi protègent leur territoire et leur population de tout essai ou de toute installation nucléaire, dans la zone de la part des États qui, eux, sont dotés de l'arme nucléaire. Et donc, ces traités de création des EAN, ils sont très intéressants parce qu'ils prévoient, en plus de vraiment la partie qui crée la zone exempte, un protocole, voire plus, qui va être à l'attention justement de ces États dotés de l'arme nucléaire, qui donc, d'un point de vue géographique et en droit, ne font pas partie de la EAN qui vient d'être créée. Mais donc, par ce protocole, les États dotés de l'arme nucléaire sont engagés à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser l'arme nucléaire contre les territoires qui sont compris dans l'ASEAN. Jusqu'ici, c'est vrai que d'un point de vue relations internationales, l'ONU intervient un petit peu quand même pour promouvoir ces traités de création des ASEAN, puisque ça va dans le sens de promouvoir la paix et la sécurité internationale, et d'essayer d'engager toujours un petit peu plus justement les États dotés de l'arme nucléaire dans ce processus. Mais ça a été aussi le cas d'autres organisations régionales cette fois-ci, et Carolina l'évoquait tout à l'heure pour le traité de Pelindaba tout particulièrement, l'organisation de l'unité africaine à l'époque a beaucoup œuvré dans ce sens, dans la mise en place de ce traité. Donc avec Aurore, on vous a donné un peu de contexte sur ce que sont les EAN et comment elles sont créées, mais Lova et Océane, est-ce que vous pourriez y revenir plus en détail, notamment pour ceux qui couvrent le Pacifique du Sud, c'est-à-dire le traité de Rarotonga et celui couvrant l'Afrique, donc celui de Pelindaba. On sait qu'ils ont été mis en place en réaction aux essais nucléaires qui ont été menés dans ces zones. Mais le contexte historique de décolonisation est également important à prendre en compte. Est-ce qu'il y avait aussi donc, des envies de se détacher des grandes puissances et de limiter leur impact dans ces territoires? Est-ce que, d'un autre point de vue, il y avait aussi une certaine conscience écologique qui était déjà en place? Et donc, est-ce qu'il y a des acteurs de la société civile et des organisations qui ont joué un rôle dans la mise en place de ces traités? Je sais que des questions, il y en a plein, et que ça va être difficile de tout couvrir. Puis j'imagine que Aurore aussi a quelques questions qu'elle aimerait poser. Oui, tout à fait. C'est un sujet que je connais pas trop, et en fait, toujours dans cette idée de contexte, je me demandais si Lova et Océane, vous pouviez revenir justement, notamment pour les tout premiers traités. Je sais que c'est pas ceux qu'on va évoquer le plus, mais donc voilà, pour le traité qui concernait l'Antarctique, pardon, et le traité de Tlatelolco, je me demandais si vous saviez justement si les États dotés de l'arme nucléaire qui existaient à cette époque avaient présenté une très forte opposition justement à la création de ces EAN, d'autant plus que justement, on en parlait, il y a des protocoles qui s'adressent directement à eux. Voilà, si vous avez l'occasion de revenir là-dessus, ce serait super. Donc je vais commencer. Alors globalement, sur le contexte historique, il faut comprendre que, vous l'aviez dit tout à l'heure, tout commence vraiment dans les années 50, parce que mine de rien, les deux bombes atomiques au Japon ont marqué les esprits. Et mine de rien, le « plus jamais ça » a quand même posé une vraie réflexion sur le désarmement qu'on interroge. Et c'est tout l'intérêt de cette période. Alors, c'est vraiment, je vous invite vraiment à aller voir les archives de l'ONU qui sont en fait en lien sur le site. Vous avez entre 54, 55 et 63 des grandes réflexions sur le désarmement. Et déjà est posée en fait la réflexion de quid du monde nucléaire et comment on fait pour éviter cette, on va dire, des escalades de crise. Et pour l'Afrique, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Carolina, il y a cette réflexion de lendemains coloniaux ou plutôt décoloniaux qui ont été mis en œuvre. Il ne faut pas oublier qu'il y a les essais, les fameux essais de Castle Bravo américain, c'est 15 mégatonnes dans les îles du Pacifique, et en fait, ils mettent en victime, on a un bateau qui s'appelle le Fukuryamiru, je ne suis pas sûre de la prononciation, mais en gros, c'est les passagers de ce bateau sont victimes des retombées radioactives, et à partir de là, la réflexion humanitaire et environnementale commence vraiment c'est vraiment le début de la cristallisation, parce qu'avant on est dans un contexte armé et militaire, donc c'était vraiment, est-ce qu'on pense à confirmer de cette manière, sauf que là c'était des innocents qui venaient pêcher, et là en fait on a commencé à se dire comment on fait. La première personne, vraiment personnalité politique, et je vais peut-être recentrer ma réflexion sur les acteurs étatiques et non société civile, c'est vraiment Nehru de l'Inde, avec et qui accompagnera le mouvement des non-alignés. Et dans leur grande recommandation, d'ailleurs, sur la conférence de Bandung, qui ouvrira, d'ailleurs, la date de naissance des non-alignés, il y a comme recommandation très forte l'interdiction de la possession des armes nucléaires, mais il y a tout d'abord la fin immédiate des essais nucléaires pour cause environnementale et humanitaire. Donc, ça englobe tout... C'est vraiment l'état d'esprit des années 50, quoi. On est en train de se faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la manière dont les États dotés, puisqu'avant, ils n'avaient pas encore d'État possesseur. Donc, État possesseur au bout du TNP, c'est ceux qui ont l'arme en infraction du TNP. Le TNP n'étant pas encore né dans les années 50, on avait un club atomique, d'ailleurs, puisque les États dotés n'existaient pas en tant que ça, qui était composé essentiellement de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Union soviétique. Donc, ces trois États étaient en discussion très fort sur les questions de désarmement. Le Canada et la France vont entrer dans les discussions de désarmement, une réflexion de désarmement global qui va... et en fait, on voit l'Open Sky, le TNP, SALT One, SALT Two, FNI, ils prennent naissance dans ces discussions dans les années 50. Donc, les ZEAN arrivent comme ça dans une suite de discussions. C'est pas quelque chose qui est arrivé, je veux dire, tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. C'est tout un processus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que la première bombe nucléaire explose, déjà en essai aux États-Unis, puis très rapidement après les bombes qui explosent sur Nagasaki et Hiroshima, ça donne dès le début une grande conscience humanitaire et environnementale, alors pas pour tout le monde évidemment, on a la société civile qui est de plus en plus impliquée, mais il y a pas mal d'États qui prennent cette question en charge et qui la mettent sur le devant de la scène. Alors juste avant de commencer sur nos deux gros focus qui sont Rarotonga et Pelindaba, Aurore, tu nous as posé la question du traité de l'Antarctique. Est-ce qu'il y a eu de fortes oppositions au fait de ne pas nucléariser l'Antarctique ? Alors effectivement, c'est le tout premier traité qu'il y a eu, qui n'est pas vraiment une ZEAN en tant que telle, mais qui est quand même un traité qui empêche la nucléarisation d'une zone. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de très grosse pression des États nucléaires dotés à ce moment-là, donc... C'est 57, c'est ça, le traité sur l'Arctique. À ce moment-là, il n'y avait que les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni en état doté. Alors certes, la France était bien engagée dans son programme nucléaire. C'était aussi le cas de la Chine, d'ailleurs. Mais il ne me semble pas qu'il y ait eu de très forte opposition des États nucléaires à ce moment-là. Et je pense qu'en fait, il faut le mettre en écho avec ce qui se passait en Arctique. En cette même période, puisqu'on est en pleine guerre froide, et on a Camp Century, qui est le centre, qui était en fait la base nucléaire américaine sur la zone du nord. Et effectivement, il faut comprendre que l'Antarctique, c'était aussi le premier endroit qu'on pouvait sauver, puisque son opposé nordique était déjà confronté à une réalité d'essai. Donc les Soviétiques font déjà des essais dans les zones nordiques, hein, il ne faut pas l'oublier ça. C'est d'ailleurs leur base, d'essais se font, et d'ailleurs la Tsar Bomba se fait sur la partie arctique russe, enfin soviétique, pardon. Et donc en fait, il faut comprendre la réflexion, comme l'a très bien dit Océane, il y a une réflexion en fait environnementale, mais il faut voir c'est où est-ce qu'on peut baliser d'abord sans déranger pour entrer le principe de ZEAN comme un principe juridique. Parce qu'il ne faut pas oublier, et encore aujourd'hui, c'est que tout repose sur, un, les rapports de force, deux, la capacité des autres parties à intégrer une réflexion juridique. Et la zone antarctique, il n'y avait personne, en fait. Donc, finalement, à le faire, ça ne coûtait rien, mais ça posait d'emblée une réflexion juridique en disant, finalement, les ZEAN, c'est peut-être quelque chose à étendre. Et en fait, c'était effectivement, ça paraît comme ça, ils ne risquent rien, mais c'est dans le cadre du droit international, et ça, je pense qu'Aurore, tu sais très bien, le droit international, sa force, c'est mettre autour de la table des gens pour discuter. Alors que le droit national, c'est l'État qui impose une justice. Donc, il ne faut pas confondre en fait déjà la réflexion qu'on a sur un traité en disant oui, le traité c'est facile à faire. Non, par essence, un traité de droit international est forcément difficile. Et c'est vrai que celui sur l'Antarctique, il pose quelque chose d'assez inédit. C'est cette discussion qui permet par la suite de faire des bébés et ils arriveront d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est exactement la raison pour laquelle je te posais cette question, Lova, et puis à toi aussi, Océane. C'était parce que, justement, c'est le tout premier traité, alors qui ne traite pas juste seulement de la question nucléaire, on est bien d'accord, mais qui, du coup, pose ce principe quand même qui est assez inédit, quoi. Et puis, tu le disais, en plus, puisque dans l'Arctique, on commençait à déjà avoir cette logique nucléaire qui se mettait en place. Moi, en découvrant ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Ça me semblait être un tour de force. Et c'est aussi pour ça que je me posais la question, justement, de savoir s'il y avait eu des oppositions fortes à ce petit article dans le traité sur l'Atlantique, sur l'Antarctique, pardon. C'est aussi pour ça qu'il faut bien noter que le droit international va très lentement. Je sais que pour des gens qui ne sont pas très avertis, les temps de négociation peuvent paraître immenses. Et d'ailleurs, vous allez le voir, parce que quand on va faire une focalisation sur le traité de Rarotonga et celui de Pelindaba, vous allez voir le nombre d'années que les États et les sociétés civiles qui se sont impliquées dans les débats ont mis pour faire advenir un traité. Je ne vous parle même pas de la ratification et de l'entrée en vigueur. Le temps est très long, mais c'est aussi parce qu'il faut mettre d'accord beaucoup d'États qui sont dans une situation internationale qui évolue. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les questions de sécurité, les risques internationaux changent. En plus de ça, on parle là de traités qui se sont signés entre les années 50 et le dernier, c'était en 2011, il me semble. Donc on parle quand même de guerre froide et ensuite monde post-guerre froide avec toutes les questions de terrorisme qu'on connaît et l'augmentation des risques internationaux. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête. Alors du coup on va, je pense Carolina, si tu es la maître de cérémonie aujourd'hui, je pense qu'on va aller commencer à parler du traité de Rarotonga qui par rapport à celui de Pelindaba, est précédent, en fait, est antérieur. Et donc, c'est un traité qui a été ouvert à la signature donc, le 6 août 1985 et qui est entré en vigueur en 1986. Alors, juste avant de commencer à parler du traité en lui-même, Aurore, est-ce que tu peux rapidement nous préciser quelle est la différence entre une signature, une ratification et une entrée en vigueur d'un traité ? Mais oui, tout à fait, je peux faire ça. La signature d'un traité, quand un État décide de signer un traité, en fait, c'est pour indiquer qu'il est favorable à l'idée du traité et que dans le futur, il envisage de devenir un État partie de ce traité. Mais ceci étant, pour effectivement devenir un État partie, il va falloir qu'il ratifie le traité. Alors, ratifier, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut juste dire que l'État indique qu'il consent à se soumettre aux obligations qui sont contenues dans ce traité-là. Par exemple, quand l'Australie ratifie le traité de Rarotonga, ça veut dire qu'elle exprime son consentement à ce que son territoire fasse partie de la zone qui est exempte d'armes nucléaires. Il faut quand même noter toutefois qu'il arrive assez fréquemment qu'un traité soit signé par un État, mais pas ratifié. Donc c'est un petit peu frustrant justement parler du droit international qui met du temps à se mettre en place, notamment parce qu'il y a beaucoup d'États effectivement qui vont fonctionner comme ça, qui vont signer un traité dans l'idée de dire qu'ils sont plutôt favorables à cette idée, soutenir le projet si vous voulez qui est porté par le traité. Mais sans vouloir s'engager lui-même juridiquement et donc être lié aux obligations qui sont portées par ce traité. Et ensuite, donc, on a la signature, la ratification et l'entrée en vigueur du traité, c'est en fait quand le traité devient effectif. Donc les obligations qui sont portées deviennent obligatoires pour les États qui ont ratifié. Et donc cette entrée en vigueur, elle peut se faire soit à une date qui est déterminée, ça veut dire que les États parties se sont mis d'accord en disant à telle date le traité et ses obligations deviennent effectives. Mais ça peut aussi être en fonction du nombre de ratifications. Et c'était notamment le cas pour le traité de Pelindaba. C'est ce qui s'est passé en fait. Le traité de Pelindaba est entré en vigueur à partir du moment où le 28e État, qui était le Burundi, a ratifié le traité. Là, à partir de ce moment-là, le traité rentre en vigueur. Alors, juste pour compléter pour la compréhension de nos auditeurs, Dans le processus de réflexion d'ailleurs, d'adoption, de validation, je vais y arriver, d'un traité, tu évoques effectivement la signature et la frustration que peut parfois évoquer quand un traité, en fait, déjà il vote, il signe, et puis ensuite il ratifie. Ce qu'il faut pas oublier, c'est vraiment important, c'est que l'ONU, dans sa réflexion, adopte la sacralisation de nos systèmes démocratiques basés sur l'engagement d'un État et des parlements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, dans le droit international et dans nos normes de supériorité, enfin dans nos réflexions de supériorité, enfin de hiérarchie des normes, la supériorité d'un traité n'est valable que si le Parlement l'accepte pour qu'il redevienne finalement, pour que les États, enfin c'est l'ONU, c'est la défense des peuples. Donc il faut que les peuples, par l'outil le plus révélateur qui est le Parlement, s'en saisit. Parce que je sais que dans différentes discussions, on me dit « Non mais attendez, l'État a signé, c'est bon, il est responsable. » Non, la sacralisation et la validation d'un État ne peut se faire sans les parlements. Et je voulais vraiment apporter cette notion parce qu'elle est vraiment importante pour comprendre toutes les difficultés, parce qu'on a des élections, on a des changements. Et tout ça sont, et moi je le vois dans d'autres traités, comment la difficulté de changement de tête ou de majorité dans un pays peut vraiment basculer ou ralentir une entrée en vigueur de traité. Oui, parce qu'une signature, elle est effectuée par le ou la chef de l'État, que ce soit président, premier ministre, etc. Ça dépend du système. Ouais. Par contre, la ratification, elle est quasi systématiquement faite par les parlements. Donc c'est pour ça que des fois, il peut y avoir un décalage. C'est notamment, et on va terminer avec cette parenthèse, c'est notamment ce qui arrive avec le traité, alors un autre traité, qui s'appelle le TIS, donc le traité d'interdiction mais cher complète des essais nucléaires, dont vous entendez Lova est amoureuse. Les États-Unis ont signé ce traité dès 1996, il me semble, mais ils n'ont toujours pas ratifié. Donc, c'est simplement parce que le Parlement américain refuse de ratifier le traité, alors que le président de l'époque, qui était en 96, Bill Clinton, voilà, avait signé le traité. Donc, le Congrès étant républicain, c'est un traité considéré comme un... Alors, politiquement, ils ont fait en sorte qu'il soit considéré comme un traité démocrate, alors que c'est des questions de sécurité. Et voilà, on s'est retrouvé à avoir politisé. Alors ça, c'est des enjeux internes, mais c'est important de le comprendre. Et vraiment, j'incite à tous nos auditeurs de comprendre que la question, les relations internationales et les traités ne sont jamais déconnectés des houlements de politique interne. Il ne faut pas croire que c'est dissocié. Le droit de l'enfant, la peine de mort, les droits de l'homme, tout ça, si le Parlement est plus orienté très, très, très, très, très conservateur ou très, très, très, très, très démocrate, on ne va pas du tout avoir les mêmes impulsions, les mêmes dynamiques, les mêmes lenteurs ou la même rapidité. C'est vraiment important parce que tout ça se comprend globalement, et les EAN, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est assez intéressant, je trouve. Et c'est pour ça, en fait, vous voyez, là, Lova vient de vous parler seulement de ce qui se passe dans un pays, donc vous imaginez, vous multipliez ça par le nombre de pays qui doivent être signataires pour qu'un traité puisse être mis en œuvre, et donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'il peut se passer des dizaines d'années avant qu'un traité puisse exister. Il y en a même certains qui ne sont jamais rentrés en vigueur. Tout simplement, il ne faut pas oublier aussi la réalité humaine, c'est que parfois il y a des traités qui tombent dans l'oubli. Exactement. Ce serait un bon sujet d'épisode, ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carolina. Les traités tombés dans l'oubli, bah les EAN, pour certains, enfin, on en reparlera pour Péline Daba, mais c'est aussi une réalité. On va revenir sur Rarotonga. Je voulais juste faire un point sur la nature du traité des EAN. C'est donc une approche régionale de la sécurité. À l'inverse de, par exemple, du traité du TNP, dont on a déjà évoqué, donc c'est le traité de non-prolifération nucléaire, ouvert à la signature en 68, qui lui est une approche globale. Donc voilà, toutes les EAN ont une approche régionale, une zone particulière qui se concentre, c'est ce que Carolina vous présentait au début, Pacifique Sud, Amérique du Sud, etc. Alors sans vous faire toute l'histoire du traité de Rarotonga, la première impulsion pour signer le traité a été faite par les États membres du Forum du Pacifique Sud. Et donc, je vous fais une petite liste assez rapide. Dedans, il y a l'Australie, les îles Cook, Fidji, Nauru, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga, le Samoa occidental, donc que des paysages qui font rêver sur les cartes postales. Et dans un communiqué du 3 juillet 1975, donc voilà, ils ont parlé de cette ZEAN pour la première fois pour mettre la zone à l'abri de toute, je cite, contamination radioactive et tout conflit nucléaire. Donc le mois suivant, donc en août 1975, les îles Fidji et la Nouvelle-Zélande ont écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU de l'époque, qui s'appelait Kurt Waldheim, et je suis vraiment désolée, je ne sais pas prononcer les mots autrichiens, donc j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, donc pour inscrire la création d'une ZEAN dans le Pacifique Sud à l'ordre du jour. C'est un petit peu comme ça que ça se fait de manière générale, pour qu'un traité soit discuté, il faut le mettre à l'ordre du jour de l'ONU. Pas forcément, mais c'est un bon moyen pour un traité multilatéral. Donc le décembre de cette même année 1975, l'Assemblée Générale de l'ONU, elle adopte la résolution 3477/XXX, donc vous retenez juste une résolution, pour l'établissement d'une zone dénucléarisée qui invite les pays de la région à trouver les moyens d'atteindre cet objectif. Donc en fait, c'est pas une résolution qui dit « voilà, c'est une zone dénucléarisée », c'est une résolution qui dit « les mecs, ce serait bien de commencer à réfléchir à effectivement faire une zone dénucléarisée ». Et donc, c'est aux États de la région de trouver les moyens de discuter, mais ils doivent aussi trouver les moyens de discuter avec les États nucléaires dotés, qui sont reconnus par le TNP comme étant légitimes. Donc, je rappelle assez rapidement les États-Unis, la Russie. Donc, maintenant la Russie, oui. Maintenant la Russie, donc l'État continuateur de l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine. C'est ça. Les quatre autres pays dotés d'armes nucléaires, l'ovage... Possesseurs, attention. Voilà. Donc, on a l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Iran, Israël. Bon, je ne mettrai pas l'Iran tout de suite. petit désaccord. Mais en l'occurrence, au moins les quatre autres ne sont pas reconnus comme légitimes par le TNP. Sur l'Iran, on pourra peut-être en discuter. On pourra peut-être en discuter. À la fin. Et donc, l'idée, c'est que les États donc, de la région... l'Australie, les îles Cook, la Nouvelle-Zélande puissent mettre en place cette ZEAN tout en discutant avec les États dotés qui, en fait, sont les plus concernés en ce qui concerne la circulation, par exemple, des armes nucléaires. En fait, du coup, depuis le début, que les États dotés d'armes nucléaires sont inclus dans ces discussions. Ou c'est venu plus tard, après qu'ils soient mis d'accord, d'abord. Alors, sur Pelindaba, c'est inhérent, en fait, au traité, puisqu'en fait, on exige, puisque aucun pays d'Afrique, de l'Afrique, puisque Pelindaba concerne l'Afrique, n'a l'arme nucléaire au moment, parce que l'Afrique du Sud l'a eu, au moment, où le traité est signé, donc on est en 96, l'Afrique du Sud venait de quitter, effectivement, le statut... d'État possesseur, puisqu'il l'a eu en... Donc, d'ailleurs, Pelindaba, si vous voulez, c'est le nom du site sud-africain, et ça a été signé au Caire, qui élaborait, en fait, l'arme nucléaire sud-africaine. Mais l'objectif, c'était déjà de limiter, effectivement, la croissance sud-africaine sur sa possession. Et puis surtout, puisque l'Afrique du Sud venait, en fait, de céder au TNP, si je peux m'exprimer ainsi, c'était adresser un signal fort aux pays dotés, donc on parle des 5 pays, en disant, nous, on s'est réunis en disant qu'on ne va pas avoir d'armes nucléaires, et on impose aux États qui l'ont à ce moment de la signature, donc en 96, en règle avec le TNP, de ne pas ni exercer d'essais, ni de faire circuler, les questions du parapluie nucléaire, tout ça, elles sont intégrées, mais c'est important dans un exemple, moi j'aime bien parler de sacralisation du territoire de la dénucléarisation, parce que c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on avait aussi les essais en Algérie, français, donc Reagan, qui ne se font plus à ce moment-là, puisque l'Algérie devient indépendante en 62 et que les conditions d'ailleurs de son indépendance étaient la possession, l'annexion, parce que c'était en discussion, du territoire de Reagan avec le site d'essai. On le fait en France la même année. On a les essais nucléaires dans le Pacifique. Donc, il faut comprendre qu'il y a l'Afrique du Sud derrière, il y a la fracture ou la blessure africaine, c'est comme ça que c'est vécu, par le site d'essai de Reagan. Et donc, ça dit tout simplement et ça impose et s'encadre des protocoles en fait qui sont affiliés à ce traité, d'interdire tous les États dotés, pas que la France, mais en tout cas tous les États dotés, de venir, un, penser y faire des essais, deux, y poser un parapluie, enfin des armes nucléaires dans le cadre d'un parapluie, une extension de l'OTAN, si je peux m'exprimer ainsi, et ou de les fabriquer. Et ça, c'est assez important parce que ça montre une limite. Alors, on peut parler après des sources, mais ça peut être, voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. En fait, ta question, Carolina, elle prend deux pans, je pense, et je vais compléter ce que tu disais, Lova. Est-ce que les États dotés sont dès le début dans les discussions? Oui, en pratique, évidemment, nécessairement. Par contre, et là, je voudrais revenir sur la définition qu'a donnée Aurore au tout début de l'épisode sur la manière dont sont signées et négociées les EAN, c'est-à-dire que c'est une zone. Donc, en priorité, ceux qui signent le traité sont les pays de la zone concernée. Donc, c'est-à-dire que les États nucléaires ne peuvent pas être complètement mis en dehors d'une négociation parce que, comme exactement ce que vient de dire Lova sur sa zone de l'Afrique, on ne s'adresse pas aux États africains qui, de toute façon, au moment, et là, on parle de l'Afrique, mais c'est exactement la même chose au moment du Pacifique Sud, c'est pas l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui ont des armes nucléaires, donc on ne s'adresse pas à eux. Il s'adresse à d'autres. Par contre, on conclut le traité en premier lieu avec les pays membres de la zone, tout en étant en discussion avec les États dotés, pour qu'ensuite les États dotés puissent signer et ratifier les protocoles. Et bah justement, je vais arriver là-dessus sur la question de Rarotonga. On continuera et on pourra réévoquer ça au fur et à mesure. Donc, je vous remets juste dans l'ambiance, on est en 75 et donc l'ONU vient de dire « Ok, on peut considérer une zone exempte d'armes nucléaires à Rarotonga, enfin, dans le Pacifique Sud. » Et donc, les négociations, les discussions, elles durent extrêmement longtemps. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des petites batailles, etc. Mais globalement, le Forum du Pacifique Sud approuve le principe en 1984. On est donc 9 ans plus tard. Donc déjà, vous voyez, les discussions sont relativement longues. Et donc, elles constituent un groupe de travail chargé d'étudier les questions de fond, notamment les questions juridiques, qui se poseraient suite à la création d'une telle zone, et puis pour rédiger le traité. Alors, une fois que le groupe de travail est constitué, en fait, ça va assez rapidement, puisque c'est en août 85, donc lors de la réunion à Rarotonga, donc c'est pour ça que le traité s'appelle Rarotonga, donc Rarotonga, c'est une ville dans les îles Cook, que les 13 chefs d'État donc, de la zone ont adopté le traité et l'ont ouvert à la signature, donc pour le groupe dans un premier temps, puis à la signature des protocoles du traité aux 5 États dotés dans un deuxième temps. Alors, les protocoles, donc au nombre de 3, ils ont pour objectif que les États dotés s'engagent à ne pas recourir ou à menacer de recourir aux armes nucléaires contre les États partis au traité de Rarotonga et à ne pas proposer des essais nucléaires dans la région du Pacifique. Et ça vise particulièrement les deux États donc, qui ont fait des essais nucléaires dans la zone Pacifique, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Alors les États-Unis, notamment les îles Marshall ou Bikini Atoll, hein, et la France, et bien évidemment, Mururoa et Fanga Tofa depuis 1966. Aurore, tu voulais intervenir? Non, pas du tout. C'est quand tu parlais de la longueur des négociations, ça m'a fait penser à la scène dans Le Seigneur des Anneaux où tu as les Ents qui sont en train de discuter, ça met des heures et voilà, bref. Rien de très j'adore. Important quoi. Mais j'adore, franchement, c'est tellement réel. Effectivement. Alors par contre, si on commence à comparer nos chefs d'État à des vieux arbres qui parlent à 3 à l'heure... Alors c'est marrant parce que moi, je passe mon temps à comparer la dissuasion au langage... Au serpentard, là, comment s'appelle la langue? Au fourche-langue. J'adore utiliser moi, ma référence. Harry Potter, mais c'est très bien aussi. Oui. Bon, revenons sur la discussion, c'est très sérieux. Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, même si on sait tous à quel point la pop culture imprègne nos manières de penser. Et je voulais faire un petit aparté sur les atolls de Mururoa et Fanga Tofa, parce que je trouve que l'histoire de ces atolls est en fait un peu intéressante, parce qu'avant 1964, donc ces deux territoires appartenaient à la Polynésie, avant que son assemblée territoriale ne la cède gratuitement à la France, qui occupait déjà militairement les lieux. Et donc là, je vous fais une petite citation, mais qui est intéressante. « Au cas de cessation des activités du Centre d'expérimentation du Pacifique, donc entendez Centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique, les atolls de Mururoa et Fangataufa feront d'office retour gratuit au domaine du territoire dans l'état où ils se trouveront à cette époque, sans dédommagement ni réparation d'aucune sorte de la part de l'État. Les bâtiments qui s'y trouveront édifiés à cette même époque, ainsi que le matériel laissé sur place, deviendront la propriété du territoire, sans indemnité. Et donc, le tout premier essai des 138 essais nucléaires effectués par la France dans la zone est réalisé à Mururoa le 2 juillet 1966. C'est donc très peu de temps après que le centre d'expérimentation nucléaire au Sahara de Reagan, dont Lova vous parlait tout à l'heure, est fermé. Alors, moi, ce que je voulais quand même affirmer dans cette réflexion de Zéan, surtout pour toi, Aurore, c'est la résolution 255 du 19 juin 68, au moment de l'élaboration du TNP, où en fait, pour obtenir l'accord des États non dotés, donc d'armes nucléaires, cette résolution, en fait, il donne une garantie dite positive, c'est-à-dire que les États dotés ne devront jamais attaquer un État non doté par une arme nucléaire. Donc ça ne veut pas dire qu'un État doté ne peut pas entrer en guerre contre un État non nucléaire, mais si guerre devait se faire, l'arme nucléaire ne devra jamais entrer en action, enfin je veux dire, ça ne devra jamais être un arsenal utilisé. Donc quand on parlait tout à l'heure de sacralisation et de processus, il faut vraiment comprendre que c'est jamais quelque chose qui tombe comme ça, comme un cheveu au milieu de la soupe. C'est toujours compliqué, et que cette ZEAN, globalement, c'est une victoire pour le désarmement global. Il faut pas le voir comme quelque chose de « oh, c'est un détail ». Et la réflexion étape par étape, qui est la grande dynamique par laquelle la réflexion du désarmement prend appui, les ZEAN, mais indéniablement, est un outil, est une marche vraiment objective qu'on peut apprécier dans cette réflexion. Pour l'histoire, on va dire, encore une fois, dans les résolutions, la résolution de 68 est réaffirmée par une autre résolution du 11 avril 95, numéro 984 pour les plus rigoureux, qui confirme encore une fois que les États dotés ne peuvent pas attaquer un État non doté. Donc, sur la menace nucléaire, si on prend que cette donnée-là, elle est aujourd'hui, et c'est encore valable aujourd'hui, aucun État doté peut attaquer par une arme nucléaire un État non doté. C'est vraiment important de le dire, parce que c'est à partir de là que le désarmement se fait. Si on ne peut pas recevoir une attaque légitimement, parce qu'il faut comprendre que la défense est un outil souverain pour un pays et qu'il apprécie, eh ben, on n'incite pas aussi les pays qui ne sont pas dotés de courir pour avoir une arme nucléaire, dès lors que la menace nucléaire n'entre pas dans leur menace, on va dire, conventionnelle, enfin, militaire. En fait, les garanties positives, pour traduire ça dans un autre, enfin, pour le dire d'une différente manière, c'est ce qui permet de limiter la prolifération des armes nucléaires. Et les ZEAN, c'est ça. Et les ZEAN, l'objectif, c'est... Alors, tous les traités de ZEAN ne sont pas exactement les mêmes. Oui. C'est important de le préciser, ils n'ont pas tous exactement les mêmes dispositions, parce qu'il n'y a pas les mêmes états, il n'y a pas les mêmes risques, il n'y a pas, voilà, c'est pas la même époque non plus, hein, tous les traités. Mais globalement, ils interdisent les essais nucléaires, la possession d'armes nucléaires par les pays signataires de la zone, hein, pas les états dotés qui ont ratifié les protocoles. Généralement, ils ne veulent pas le transport ou le stationnement des dispositifs nucléaires. Ils ne veulent pas l'enfouissement de déchets radioactifs, etc. Bon, on ne va pas revenir sur toutes les dispositions. Vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à lire de toute façon les traités. Hein, ils sont relativement clairs. Donc, pour revenir sur le traité de Rarotonga, donc le traité, il possède trois protocoles que les cinq États dotés d'armes nucléaires doivent, ou en tout cas sont censés, signer et ratifier. Alors, c'est assez marrant, cette histoire de ratification, parce que le rythme des ratifications et des signatures est intéressant. Alors, la Chine et l'URSS ont rapidement signé les protocoles, parce que, de toute façon, ils n'avaient pas d'intérêt particulier dans la région. Par contre, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni n'ont signé le traité qu'en 1996, c'est-à-dire 10 ans après l'ouverture à la signature. C'est assez intéressant. Alors, J'aimerais mettre en avant les argumentaires qui ont été mis en avant par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni pour ne pas avoir assigné ces protocoles. Alors la France a fait savoir que sur la question des essais nucléaires, donc ne pas pouvoir faire d'essais nucléaires dans la zone, bah, ça constituait directement une atteinte à ses droits dans un territoire considéré comme faisant partie intégrante de la République française. C'est pour ça que je vous ai fait un petit aparté tout à l'heure sur le statut de Mururoa et Fangataufan. C'était effectivement à la France à ce moment-là. Et ils ont aussi mis en avant, donc, dans les nombreuses discussions, la possible limitation aux droits de la mer que ce traité avait. En fait, globalement, pour avoir fouillé dans les archives, ce qui posait problème à la France, c'était bien cette question d'essai nucléaire, et donc ils ont essayé de tirer toutes les ficelles juridiques pour justifier que non, ce traité, il n'était pas parfait, et c'était pas juste à cause de la question des essais nucléaires. Bon, le Royaume-Uni, lui, il avait déclaré que ce serait pas vraiment dans son intérêt d'adhérer au protocole, même si sa pratique, à lui, n'était pas incompatible avec les règles. En fait, le Royaume-Uni ne faisait de toute façon pas de tests et n'envoie de toute façon pas de mission nucléaire quelconque dans la zone Pacifique Sud. Donc le Royaume-Uni a dit « ce n'est pas dans mes intérêts de le signer, mais globalement, je suis plutôt d'accord ». Les États-Unis, eux, ont dit, alors avaient un argumentaire intéressant, ils ont dit que les protocoles pourraient nuire à la politique de dissuasion parce qu'avec la multiplication des zones semblables, donc des ZN à venir, ça pourrait limiter la possibilité des États-Unis de respecter leurs engagements mondiaux en matière de sécurité. Je traduis, les États-Unis disaient à ce moment-là que leur parapluie nucléaire pouvait être remis en cause s'il y avait une multiplication des ZN. Alors les parapluies nucléaires, très très très rapide définition pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'assurance que donnent les États-Unis, alors majoritairement les États-Unis, hein, à plusieurs de leurs alliés. Donc on a les alliés de l'OTAN, mais on a aussi un parapluie nucléaire sur le Japon et la Corée du Sud, pour en disant « Ok, on ne vous donne pas d'armes nucléaires, mais si jamais vous attaquez nucléairement, vous êtes sous notre protection. » Voilà, globalement. Et donc, la mise en place d'une zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud, près des zones d'intérêt des États-Unis, c'était à ce moment-là le Japon et la Corée du Sud, donc, eh ben, ça remettait en cause. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour personnellement être allée dans les archives cet été, pour fouiller un petit peu tout ça, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que les États-Unis et les Royaumes-Unis ont finalement pris cette position, et globalement, c'est parce que la France en avait besoin. C'est-à-dire que la France, à cette époque-là, se retrouvait la seule à faire des essais nucléaires dans la zone. Donc la France était finalement directement mise en cause par le traité, au contraire des États-Unis et du Royaume-Uni qui finalement n'avaient pas d'intérêt direct. Alors peut-être une petite atténuation pour notre cher ancien empire britannique. J'utilise sciemment le mot empire britannique puisque il faisait des essais de 52 à 57 en Australie. Oui, effectivement. Et qu'elle n'est pas non plus, donc elle comprenait entre deux anciens empires coloniaux, il y avait une certaine compréhension des difficultés qu'un traité qui s'étendrait effectivement sur la Polynésie française, parce que c'est le sujet, a limité la capacité de la France dans le perfectionnement de son arsenal, hein, je vais jusqu'au bout de la réflexion, allait forcément poser un problème. Donc, on revient à ta question tout à l'heure, Aurore. La lenteur, elle est aussi liée à vraiment des rapports de force, la réalité technologique, les avances, les retards de chacun, au regard d'un traité qui reste, qu'on appelle la pierre angulaire de la sécurité internationale, c'est le TNP. Et c'est vrai que sur cette zone-là, qui est, moi, je trouve extrêmement intéressante, elle a une histoire particulière avec les essais. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sont clairement concernés par l'évolution. Et cette ZEAN, elle est pour moi une vraie réussite parce qu'elle, surtout quand moi je travaille beaucoup sur le TIS, c'est vraiment l'acte de naissance de la fin de l'expérimentation grandeur nature. Parce que c'est là où on procédait à nos essais. Exactement. Alors c'est vrai que la période dans laquelle je parle, donc 85-96, ouais, il n'y avait que la France qui faisait ses essais. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les soutiens, donc par exemple les soutiens de la France à ce moment-là, qui sont les États-Unis et le Royaume-Uni, et les soutiens à ses opposants sur la question, donc qui sont en fait la Nouvelle-Zélande évidemment, l'Australie, qui sont un petit peu le fer de lance, mais aussi énormément de pays d'Amérique du Sud qh qui viennent mettre pression sur la France pour leur dire « Signez le traité de Rarotonga, s'il vous plaît. Signez le traité de Rarotonga qui bloque les discussions. » Et les États-Unis qui soutiennent la France, c'est qu'il y a toujours des stratégies diplomatiques qui sont mises en place par deux groupes au minimum pour faire advenir une situation internationale qui soit en leur faveur, que les calculs soient pensés à court, moyen ou long terme. Et alors, même que les moratoires sur les essais nucléaires se multipliaient en fait à la fin des années 80 et dans les années 90, ça n'a pas poussé la France, les États-Unis et le Royaume-Uni à signer le traité. Et c'est seulement en 1996, et cette date est importante, donc après la dernière campagne d'essais nucléaires menée par la France et par son nouveau président de l'époque, donc Jacques Chirac, que la France signe et ratifie le traité de Rarotonga. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les États-Unis et le Royaume-Uni font de même. C'est d'ailleurs la même année, en 1996, que la France signe le TIS, donc le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, donc après sa dernière campagne. Et je me permets de rappeler que la France n'avait signé le TNP que 3 ans plus tôt, en 1993, ouais. Alors que le traité est entré en vigueur en 70. Et que avant le TNP, et vraiment pour comprendre l'importance de ce point qui est l'interdiction des essais nucléaires dans ces zones, il faut comprendre deux choses. On a le traité d'interdiction partielle des essais, qui est signé en 63, donc avant le TNP. Donc, qui interdisait toute explosion, sauf souterraine. La France ne dit « Non, je ne suis pas concernée. Moi, ça ne m'intéresse pas. La Chine, donc on avait l'Union soviétique, la Russie, notre club atomique qui était là et qui se rendait bien compte que ça ne pouvait pas marcher, une interdiction, si les pays membres permanents du Conseil de sécurité n'étaient pas d'accord. Ça évolue. On est encore dans une réflexion de désarmement. » Vient, comme l'a très bien dit Océane tout à l'heure, cette réflexion de Rarotonga et tout ça. Mais ça veut dire aussi que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le désarmement, au-delà de l'essai, il y a le site d'essai. Et on ne fait pas un essai nucléaire n'importe où. Je ne vais pas le faire derrière la région parisienne. Et ce sont des zones quand même limitées dans l'espace planétaire qui fait qu'en réduisant comme ça ces espaces, on réduit ce qu'on appelle la prolifération horizontale, à savoir permettre à d'autres pays de pouvoir aussi se doter d'une arme nucléaire crédible, puisque la dissuasion est basée sur le principe de crédibilité, qui passe obligatoirement par un essai nucléaire à grandeur nature. Donc, quand vous limitez des zones en les sacralisant comme ça petit à petit, ben, demain, il y a un pays qui décide d'avoir une arme nucléaire, il va essayer où ? Puisque au fur et à mesure, on a interdit ces zones-là et que l'essai nucléaire est consubstantiel à la crédibilité d'un État se disant possesseur d'une arme nucléaire pour obtenir effectivement le statut d'État nucléaire. Donc, les EAN, par essence, c'est vraiment des outils géographiques, hein, il faut le dire. C'est un niveau supplémentaire au millefeuille allant vers un désarmement global. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de leur entrée en vigueur. Alors, juste pour terminer sur le traité de Rarotonga, et comme ça, on va faire une petite pause, je pense, après. Ce qui est intéressant aussi, pour moi, dans ce traité-là, c'est qu'il concerne une zone qui, finalement, est actrice un petit peu secondaire de la guerre froide. Parce que souvent, quand on vous parle des années 70, 80, 90, dans le monde, on pense guerre froide. Et effectivement c'est un événement, une période majeure. Mais le traité de Rarotonga, et ben, dedans, il y a pas mal de non-alignés. Donc les non-alignés, c'était ceux qui ne voulaient ni être du côté occidental ni du côté soviétique, ou qui étaient un peu des deux selon que ça les arrangeait, ou globalement il y avait plein de types d'états différents à l'intérieur, et que à cette période-là, donc dans les années 80, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'état de la France au-delà des essais nucléaires avec la zone pacifique était très compliqué, parce qu'en 1985, et je ne vais pas revenir dessus même si j'aimerais beaucoup, il y a eu l'épisode de ce qu'on appelle le Rainbow Warrior. C'est le moment où deux agents français de la DGSE ont fait exploser un bateau de Greenpeace dans le port d'Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, parce que notamment le bateau était venu dans la zone d'essai nucléaire, donc dans son périmètre maritime, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais, dans son périmètre maritime qui entoure les atolls. Et donc, il y a la dégradation des relations, vous imaginez bien, donc c'est ce qu'on appelle un attentat hein, aujourd'hui, même si l'État français n'utilise pas ce mot, il me semble. Et donc, on voit bien qu'en fait, toute cette dynamique autour de Rarotonga, elle ne se limite pas à une question de la guerre froide. Et moi, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. En fait, ce que vous expliquez, Lova et Océane, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, donc, ça s'inscrit dans le contexte de guerre froide. Et donc voilà, on comprend bien les relations un petit peu difficiles entre les membres permanents du Conseil de sécurité qui sont eux-mêmes deux équipes opposées à cette époque-là. Là, vous abordiez aussi la question des États non alignés qui, du coup, bah, voilà, font plutôt partie de ces États qui vont essayer de créer des EAN pour se protéger finalement des deux autres blocs qui s'affrontent. Et sur un juste pour changer un tout petit peu le prisme, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard, mais je me demandais aussi si le contexte décolonial vraiment, donc là pas juste le fait de vouloir se dissocier des deux blocs qui s'affrontent, mais vraiment aussi cette logique de s'écarter des anciens empires coloniaux a une influence, si vous voulez, dans la constitution de ces traités de création des EAN. Alors Aurore, merci beaucoup parce que c'est une transition toute trouvée pour aborder le deuxième traité dont on voulait vous parler. Donc c'est le traité de Pelindaba dont Lova a un petit peu parlé déjà en début d'épisode. Mais il me semble, et Carolina me fait signe, que cet épisode dure depuis déjà trop longtemps. Voilà, on savait que nous avons des passionnés de ce sujet, donc les discussions allaient durer des heures. C'est pourquoi, ça nous fait plaisir, je pense qu'on fait plaisir à tout le monde, mais c'est pourquoi nous allons aborder ça dans une deuxième partie de cet épisode, qui sortira la semaine prochaine. Donc, à bientôt. À bientôt, et puis on se retrouve toute la semaine prochaine, et on a hâte que vous nous donniez vos retours sur cette première partie d'épisode.